إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc comme je l'avais dit, maintenant après le maghrib, on vient de prier le maghrib, j'avais dit qu'après le maghrib on allait faire un cours qui est une explication d'un poème d'un ancien savant qui est l'imam Abu Bakr ibn Abi Dawud al-Sijistani, connu sous le nom de, comme on a dit, Ibn Abi Daoud. Et ce poème, il s'appelle Ha'iyah. Pourquoi? Parce que les lignes se finissent avec quelle lettre? Al-Ha. D'accord? Al-Ha'iyah. Et cet imam de la communauté, il est né en 230 de l'Hégire. Ça fait combien de plus ou moins? 1200 ans? Hein? Plus ou moins? Et est mort en l'an 316 de l'Hégire. Qu'on lui fasse miséricorde. Il est le fils du célèbre Abu Daoud, qui est l'auteur des Sunan, connu par Sunan Abi Daoud. Donc c'est un savant, fils d'un savant, parmi les imams de la communauté. Et évidemment, on ne peut pas faire tout le livre, hein, vous voyez un peu l'épaisseur du livre, en un cours, ce serait un peu difficile, je pense même impossible, d'accord? Donc ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va s'attacher, tout le cours de maintenant, il va être sur une ligne de poésie, la première. Je vous la lis, essayez de la mémoriser, Inch'Allah. Et après, on va apporter la parole de Charles Fauzan, qui est un savant contemporain qui vit actuellement dans la ville de Riyad et qui explique ce vers de poésie dans laquelle est compilée la croyance des gens de la Sunna. Tamassak bihablillahi wattabi'i l'huda wa la taku bid'iyya la'allaka tuflihu. Vous voyez que le dernier, la dernière, c'est quoi? L'ha. La'allaka tuflihu. Je la répète encore. Tamassak bihablillahi wattabi'i l'huda. C'est très court. Hein? Si on, par exemple, j'étais avec vous ici toute l'année, hein, quelqu'un ou quelqu'un d'autre qui ferait ce cours-là, pourrait le mémoriser quoi, de manière, hein? C'est-à-dire quoi, de manière, hein, tout doucement, de manière progressive, jusqu'à ce que vous la connaissiez, elle n'est pas très longue. Cette poésie, ou ce poème. Et donc, juste par rapport à cette parole-là, qu'on va traduire d'abord en français. Donc l'auteur du poème Al-Ha'iyah, on a dit c'est qui? Ibn Abi Daoud, rahimahullah ta'ala. Il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, attache-toi au câble d'Allah. Vous vous rappelez encore le câble dont on a parlé tout à l'heure? On a parlé du câble, mais on va voir plus en détail maintenant, inshallah. Tamassak bihablillahi wa tabi'i l'huda. Attache-toi au câble d'Allah et suis la guidance. Wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Et ne sois pas quelqu'un qui est sur l'innovation religieuse dans l'espoir que tu réussisses. Voilà. Tout le dars d'aujourd'hui, ça va être pour expliquer cette ligne-là. Inch'Allah. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, Cheikh Salih Al-Fawzan, quand il le préserve, il dit, « Bada'a an-nazimu rahimahullah ta'ala nadmahu biqawlihi tamassak bihablillah. Ay, tamassak ayyuha al-muslim. Bihablillah alladhi huwa al-Qur'an wa-sunnah. أخذا من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم، ونفي الحديث تلوخ، ها، فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا البيت مأخوذ من القرآن والسنة، وهو الأمر بالتمسك بحبل الله، وحبل الله هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى نقول حبل الله ووحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان قرآن أو سنة. Donc ce vers de poésie qui dit quoi? Il dit attache-toi au câble d'Allah et suis la guidance. Et ne sois pas quelqu'un qui est sur l'innovation religieuse dans l'espoir que tu réussisses. Cheikh Fawzan, il explique maintenant ce vers de poésie de la manière suivante. Il dit, l'auteur de ce poème, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est Ibn Abi Daoud, a commencé son poème par sa parole, attache-toi au câble d'Allah. C'est-à-dire, attache-toi, ô toi le musulman, au câble d'Allah qui est le Coran et la Sunna. Et ceci est pris de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah, ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Sourate Ali Imran, verset 103. Et de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi vous qui vivra verra beaucoup de divergences, suivez donc ma sunna et la sunna des califes droits et bien guidés après moi. Évidemment, vous avez peut-être posé peut-être une question, et on aurait pu y répondre, mais je n'ai pas pu faire une introduction, parce que Cheikh Fawzan a fait une introduction à ça, qui est très intéressante. Nous, on est rentré directement dans le vif du sujet. C'est se demander pourquoi est-ce que les ulama, ils écrivent des fois des sujets comme le fiqh, comme l'aqida, comme le mustalah, le hadith, etc. Pourquoi ils écrivent ça en poème? Ben, la réponse, elle est simple. Ben, une des, hein, c'est de quoi? C'est pour faciliter al-hifd, la mémorisation. D'accord? Et ces poèmes et ces écrits que les ulama écrivent, ils les tirent de le Coran ou la Sunna. Et ils se basent sur le Coran et la Sunna, sur la compréhension des Sahaba, radhiyallahu anhum, pour écrire. Et regardez, la preuve, elle est claire. Ce vers de poésie-là, cette ligne-là du poème, elle est tirée, comme le Cheikh l'a dit, il a cité un verset, il a cité un hadith directement. Il a dit, celui parmi vous qui vivra verra beaucoup de divergences, suivez donc ma Sunna et la Sunna des califes, droit et bien guidé après moi. Attachez-vous-y et mordez-y à de vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion, car toute nouvelle chose dans la religion est une innovation religieuse et toute innovation religieuse est un égarement. Il y a encore le danger de quoi d'elle? Le bid'ah. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah. Abu Daoud, c'est qui? C'est le père de Ibn Abi Daoud. D'accord? Et Ahmed et Darimi et Ibn Abi Asim dans Sunnah et le Hakim dans le Musadrak, d'après l'Irbad Ibn Sariya Karalagri. Il a été jugé authentique par Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala, dans Sahih Sunan Abi Daoud. Encore une fois, hein, vous aurez les notes aussi, inshallah, en forme de livre, si vous voulez avoir toutes les références, etc., inshallah. Cheikh, il dit donc cette ligne du poème, hein, al-bayt, c'est pas al-bayt la maison, c'est la ligne de poésie ici, il dit, cette ligne du poème est donc prise du Coran et de la Sunna, et c'est l'ordre de s'attacher au câble d'Allah. Et le câble d'Allah est, on a dit qu'on allait le définir tout à l'heure, le Coran et la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou dit d'une autre manière, nous disons le câble d'Allah, c'est sa révélation qu'il a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le Coran ou la Sunna. D'accord, la révélation, c'est le Coran et la Sunna. Et faites attention à une secte qui s'appelle Coran, qu'on appelle Coraniyun. Alors qu'en vérité, ils n'ont rien à voir avec le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils disent que on prend pas de la Sunna. On prend que le Coran. Et le Coran, qu'est-ce qu'il te dit? De prendre la Sunna. Hein? D'accord? Et tu lui en poses la question. Il y a un cheikh qui a fait ça. Je lui ai dit, ah, tu prends que du Coran. Combien dans le Maghreb tu prends de rak'at? Non, réponds. Combien tu prends de rak'at? Hein? Il a dit 3. Tu as trouvé le Coran, ça. Hein? Est-ce que je vous pose la question? Est-ce que dans le Coran, il est marqué que le Maghreb c'est 3 rak'at? Non. Parce qu'il y a des ibadat qui sont dans le Coran. Ça, là, c'est dans le Coran. Mais le tafsil, il est où? Dans la Sunna. Le détail, il est dans la Sunna. Et maintenant, comme le Cheikh, il a dit, et sa parole, fait quoi après? Tamassak bihablillahi, on va essayer que vous le mémorisiez à la fin, wa tabi'i l'huda. Qawluhu, tamassak bihablillahi, yani a'tasim bih, comme a qala ta'ala, wa a'tasimu bihablillahi. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna Allah yarda lakum. Thalathan. Vous n'avez pas remarqué qu'il cite un peu le même Adila que Cheikh Raslan tout à l'heure? Pourquoi? Elle est en Égypte, elle en Arabie, les sources sont les mêmes. Inna Allah yarda lakum thalathan. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث اللي رابورتي بار مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذه الثلاث منها الاعتصام بحبل الله لأنه يقي من الافتراق والاختلاف، فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كافتراق أهل الكتاب، مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، ولكن لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلفوا. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ونسيت الفقه التلغوثي سورة آل عمران. هذه طريقة أهل الكتاب أنهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا، وهذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النتيجة الاختلاف والتفرق. قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. دوك الشيخ الديسي حفظه الله تعالى اي كرونبونتو كرو كابد الله واتاشتو كابد الله، c'est-à-dire cramponne-toi à lui, au câble d'Allah. Comme Allah dit dans la traduction du sens est, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah agrée certes pour vous trois choses, que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien, et que vous vous cramponniez au câble d'Allah, et que vous ne vous divisiez pas, et que vous fassiez le conseil à ceux à qui Allah a donné la responsabilité de vous gouverner. Rapporté par Muslim. Parmi ces trois choses, il y a quoi? Hein? Wa antatasimu bihablillah. C'est qu'il y a le cramponnement au câble d'Allah, car il protège de la division et de la divergence. On avait vu dans le dars de cet après-midi le sens linguistique du mot habl. Dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire le mot habl? Comment les arabes utilisent le mot habl? La divergence et la division n'ont lieu qu'en raison du non-attachement au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme la division des gens du livre, alors qu'Allah leur a révélé la Torah et l'évangile. Mais parce qu'ils ne se sont pas cramponnés au câble d'Allah, ils se sont divisés et ont divergé. Et c'est pour ça qu'Allah dit, selon la traduction du sens est, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et sont là, ceux-là auront un énorme châtiment. Surat Ali Imran, verset 105. Telle est la voix des gens du livre qui ont délaissé le livre de leur Seigneur et donc se sont divisés. Et Cheikh il dit, c'est un mot important ici, et ceci est une conséquence obligatoire pour toute personne, hein, qui ne prend pas sa religion, sa croyance du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la conséquence est la divergence et la division. Allah a dit, c'est dans la traduction du sens est, cette communauté, la vôtre, est une seule communauté. Tandis que je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Surat Al-Mu'minun, verset 52-53. Puis Cheikh, il dit: Kullun ahdatha lahu madhaban wa manhaja yukhalifu bihi ghayrah, fa hasalat fitanun azima wa shururun kathira la asima minha illa bi'i'tisami bikitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. ولا سيما في الأصل والأساس وهو العقيدة التي يجمع الله بها بين الناس، كما قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يؤلف بين القلوب كثرة العطاء وكثرة الأموال، بل هذه تزيد القلوب نفرة وتباغضا. مهما أنفقت من الأموال فلن تؤلف بين القلوب، وإنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات، فقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ليس لهم عذر لأن الله بين لهم، ولكنهم تركوا هذه البينة فتفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Chacun s'est inventé une voie et une méthodologie par laquelle il s'oppose à autrui. On voit des gens aujourd'hui, hein, chacun il dit voilà, moi je vais appeler l'islam comme ça, je vais adorer Allah comme ça. Ils s'inventent des voies, des méthodologies, etc. Hein, ils innovent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a eu des troubles immenses et de grands maux. Et il n'y a de protection contre cela que le cramponnement au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cela surtout dans le fondement et la base qui est quoi? La aqidah, la croyance, par laquelle Allah unit les gens entre eux, comme Allah a dit ce dont la traduction du sens est, et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira, c'est lui qui t'a soutenu par ton secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi, aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis car il est puissant et sage. Surat Al-Anfal, verset 62-63. Donc donner largement n'unit pas les cœurs, ni la grande quantité d'argent. Mais de plus, cela ne fait que plus éloigner les cœurs les uns des autres. Et cela ne fait qu'augmenter la haine mutuelle entre les cœurs. Quoi que tu dépenses comme argent, tu ne pourras jamais unir les cœurs, car l'union des cœurs ne se fait que par le Coran et la Sunna. Ça, faut comprendre ça, ikhwa. Toute personne qui essaie de regrouper, sans revenir au Coran et la Sunna, sur la compréhension des Sahaba, il est dans l'égarement. Hein, on n'essaie pas de recouper juste les corps des gens et regrouper la masse. Hein, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, mais allez, on se regroupe tous, c'est pas comme ça que ça marche. Hein? On ne peut pas se regrouper si on n'a pas les mêmes fondements, si on n'a pas la même croyance. D'accord? Et donc ça c'est possible qu'en revenant au Coran à la Sunna, sur la compréhension des Sahaba ridwanullah alayhim. Et Allah, le Très-Haut, nous a mis en garde contre ceux dans quoi sont tombées les communautés qui nous ont précédés en termes de division, après que l'épreuve leur soit parvenue. Et Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que l'épreuve leur fut venue. Surat Al-Imran, verset 105. Il y a un verset de Surat Al-Bayyinah qu'il a cité avant aussi, numéro 4. Et donc, hein, et donc le shir, il continue en disant, et c'est un autre verset du Coran dont la traduction du sens est, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante, puis après leur divergence, Allah envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. D'accord? Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leur divergence. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guide à ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient, et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Surat al-Baqara, verset 213. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم يعصم الله به المسلم من الأهواء والفتن والشرور. Le cheikh ici rapporte une preuve et dit que le prophète صلى الله عليه وسلم disait lorsqu'il priait la nuit. Et regardez ça, vous voyez qu'un sunni il entend ce genre de texte, il doit prendre ça comme un rappel déjà. Il parle de quoi? Il parle de la prière nocturne du prophète alayhi salatu wassalam. Notre exemple, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Où est-ce qu'on est nous par rapport à la prière nocturne? Vous savez, c'est quoi qiyam al-layl? Hein? Tu as pris l'Isha, ton obligation, pour ceux qui l'ont pris. Hein? Hein? Pour ceux qui ne l'ont pris pas, c'est un autre problème. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a ce qu'on appelle la prière de la nuit que tu peux prier. Hein? Où est-ce qu'on est par rapport à le grand fadl, le fadl adhim, et les grandes récompenses pour cette prière de la nuit? Et le meilleur moment, c'est quoi? Le dernier tiers de la nuit. Le moment où Allah, subhanahu wa ta'ala, il descend au ciel terrestre et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon, que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande que je lui donne? Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce sont des rendez-vous azim. Et le musulman ne doit pas être comme un cadavre. Hein? Jeté comme ça, il dort et il ne sait pas. Non, il essaye un minimum. Nous tous. Hein? Ne fût-ce que tu te lèves quelques temps juste avant le Fajr, au moins ça. Même si tu ne fais pas tout le dernier tiers de la nuit. Hein? Il essaye. Essaye de travailler pour sa akhira. Hein? Et d'ailleurs, Abdullah Mubarak, rahmahullah, un grand savant de la communauté, hein, un grand savant du hadith, il a dit, posé la question, il a dit, qu'est-ce que ces gens-là ont à voir le visage avec le nord, avec si illuminé? Hein? Il leur a dit quoi? Il leur a dit, ces gens-là, ils ont fait quoi? Ils sont isolés par la prière. Hein? Nocturne, ils ont fait la prière nocturne. Iqtabasu min nurillah fa albasahum Allah. Hein? Min nuri, comme a dit Ali Mubarak rahimahullah ta'ala. Wa kanu qalilan min al-layl ma yahja'un. C'est des versets qu'on lit, hein, c'est vrai ou pas? Mais quelle est notre interaction avec ces versets-là? Et ça, c'est une notion importante. Comment toi, en tant que sunni, en tant que musulman, hein, qui se revendique de la sunna, comment est-ce que tu interagis avec ces textes du Coran? Comment tu interagis avec ces textes de la Sunna? Le prophète, jamais lui était promis. Ali salatu wa salam. Ça, hein? Regardez qu'est-ce qu'il faisait, Ali salatu wa salam. Il priait la nuit et il disait, il demandait, regardez le dua. Qu'est-ce que nous on doit dire alors ce moment-là? On doit suivre le prophète salatu wa salam dans cet exemple-là. Il disait, Ali salatu wa salam, oh Seigneur de Jibra'il et de Mikaël et d'Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, tu juges entre tes serviteurs dans ce en quoi ils ont divergé. Guide-moi vers la vérité. Dans ce en quoi il y a eu divergence avec ta permission, tu guides certes qui tu veux vers un chemin droit. Allahu Akbar. Et Ibn Taymiyyah, il rapportait qu'il faisait beaucoup ça. Rahmatullah alayh. C'est comme ça qu'on doit être. On doit essayer d'être. Hein? Et on demande à Allah le tawfiq. Il faut demander à Allah le tawfiq de pouvoir déjà s'acquitter des prières obligatoires correctement, hein, à l'heure, en jama'a, et après d'essayer de demander à Allah le tawfiq qu'il nous facilite quoi? Les prières surrogatoires. Combien de sunnah on délaisse? On se revendique sunnah, sunnah. Vous allez chez le ulama, vous voyez, ils parlent, mais ils font. Certains machirs, tu vas essayer de lui parler entre l'adhan et l'iqama, il va te bloquer, il est en train de faire doa lui. Après, on a pris à côté de Cheikh Rabi, il s'est levé directement après le maghrib, il s'est levé, il a fait ses deux rak'at. Il a fait sa sunna. Hein? Les sunnas avant le fajr. Avant dhuhr, après dhuhr. Hein? Après le maghrib, après l'isha, etc. Toutes les sunnas que vous connaissez, le rawatib, etc. Et les autres nawafil, etc. Hein? Et c'est quelque chose que je pensais sur le chemin venant ici, ou plutôt ce matin. Je me disais, regardez combien de sunnan on connaît. On en connaît pas mal quand même. Hein? En général, alhamdoulilah, on connaît un minimum, qu'on connaît quelques sunnan. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces sunnan-là? Et je pensais, une sunnan, c'est sunnat le wudu. Vous connaissez sunnat le wudu? Quand tu fais le wudu, qu'est-ce que tu fais la sunnan? Tu pries deux rak'a. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Je pose pas la question aux gens. Chacun se pose la question à lui-même. Hein? Yani, c'est comme ça qu'on doit juger nous-mêmes. Voilà, je connais le hadith. Je sais cette sunna, mais est-ce que je la pratique ou pas? Et si je la pratique pas, j'essaie de me forcer maintenant, à partir de maintenant, de changer. Chaque fois que je fais le wudu, j'essaie de prier cette sunna-là. Et ça, c'est une des caractéristiques des gens de la sunna. Harisun ala tatbiq sunna. On ne fait pas qu'appeler la sunna, sunna, sunna. Non, tatbiq. Tatbiq. Et c'est ça que vous voyez quand vous allez chez les ulamatullah al-bain, vous voyez cette pratique de la sunna. Et on peut parler, on pourrait parler de ça jusqu'à demain matin. Qu'est-ce qu'il en est de siyam lundi, jeudi? Et du 13 et du 14 et du 15 du mois. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on l'a fait? Hein? Et peut-être certains, ils viennent pendant le ramadan. Wallahu musta'an. C'est vrai ou pas? Hein? Combien de choses comme ça qu'on laisse passer? Et le temps, il passe. On ne sait même pas combien de temps il nous reste. Et on laisse passer le temps, et on perd notre temps, et on ne fait pas les choses qu'il faut faire, etc. Et il faut essayer, nous tous, moi y compris, c'est un bon rappel pour moi aussi. Hein? Et c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien faire des courses, parce que ça me fait le rappel. Parce que je me dis, je suis en train de parler devant les gens, mais moi, j'en suis, moi. Hein? Donc, il faut essayer de ce genre de sunnan-là et des choses qu'on sait, de les mettre en pratique autant qu'on le peut. Autant qu'on le peut. Le dhikr du matin, le dhikr du soir. Et d'ailleurs, ton compagnon, si tu as un ami, ton vrai ami, c'est celui qui va te motiver à faire ces choses-là. Il va te dire, ah, c'est beau, reviens, on va à la mosquée. Arrive, viens, on va à la mosquée. Après, si tu veux, on continue à faire ce que nous. Viens, on va à la mosquée, on va prier. C'est l'heure de ça, là, maintenant. Hein? Arrive, il va te dire, Ahri, je passe te prendre à Salat Fajr. C'est bon, je passe en voiture, je viens te chercher, Inch'Allah. Hein? Après Salat Fajr, tu veux te lever, tu vas aller te recoucher, dormir. Tu dis, attends, chouïa, reste. On reste jusqu'à Shuruq, si tu veux, on reste, on fait dhikr, on lit le Coran. Hein? Et après, on prie de l'Ukad, comme dans la Sunnah. Alhamdulillah, il y a un grand âge là-dedans. Et après, on rentre, si tu veux, je te dépose. Même si tu veux, je t'amène déjeuner, je te fais ce que tu veux, hein? Etc. C'est ça le compagnon. Et sur l'Athémi, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes dorous parce que c'est une parole qui m'a touché quand je l'avais lu à l'époque. Sur l'Athémi, il a dit les compagnons, ils sont trois catégories. Il y en a une qui est bonne et les deux autres, elles ne sont pas bonnes. Il faut les éviter. Il a dit parmi les seuls qui ne sont pas bonnes, c'est Sahibu Ladda. C'est les jeunes, ils ont des mots pour ça. C'est ton copain qui traîne avec toi. Hein? Il t'appelle pour les jeunes, ils ont encore une fois les jeunes, ils ont bon don, hein? On va dire, il y a des gens, ils ont un mot que j'aime pas moi. Ils disent, on tue le temps. Comme si le musulman il avait du temps tué là, de Belar qui sera, hein? Il sera questionné sur son temps yom qiyama. D'accord? C'est quoi? C'est sahibulada. Il passe chez toi juste pour les loisirs, pour perdre son temps, pour jouer, etc. Et quand tu l'appelles quelque chose de sérieux, il t'évite. Quand tu l'appelles la dîme, à la pratique, etc., il n'a plus d'intérêt en toi. Et puis tu as sadiqou manfa'a. Celui-là, il a un bénéfice en toi. Il a un intérêt en toi. Il sait que tu as une sœur, il veut se marier. Hein? Ou il sait que tu as beaucoup d'argent. Etc. Hein? Des choses. Il n'y a pas un mal en fait de vouloir se marier, etc. Mais je dis quelqu'un qui te fréquente juste pour ça. Parce qu'il a, elle a quoi, hein? Il a un intérêt en toi. Une maslaha. Et s'il n'a pas sa maslaha, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ton ami en vérité. Ces deux-là, chez l'Athémin, il dit, il faut les éviter. Et le seul, c'est sahibu, ou sadiqu, fadila. Sadiqu, fadila. Alladhi yahuthuka ala al-khair, comme les chez l'Athémin dans Sharh ila Talib al-Ilm. C'est un livre dans l'adab du Talib al-Ilm, et tout ce qui tourne autour de Talib al-Ilm, et comment doit se comporter, etc. Hein? Il a dit, rahmatullah alayh, alladhi yahuthuka ala al-khair, wa yanhaka ani al-shar. C'est-à-dire qu'on fait là, ton ami de préséance, de bien, c'est quoi? Celui qui t'ordonne, et, pardon, il t'incite au bien et t'interdit le mal. Akhi taqillah, pourquoi tu fais ça? Faut pas faire ça, c'est pas bien ce que tu fais, akhi, hein, etc. Non, fais ça, akhi, pourquoi? Viens. Viens, on étudie le Coran. Viens, on fait le Coran. Viens, ça, on se met d'accord, on fait un certain nombre de lignes par jour, toi et moi. Hein? Viens, on se met d'accord, on va à la mosquée ensemble. Viens, on va le Jumu'a ensemble, etc. Viens, il y a un séminaire quelque part, viens, je te prends, on part ensemble, on voyage, on va essayer de prendre un peu quelque chose, etc. Viens, t'as un peu d'argent, pourquoi tu vas aller en vacances à tel endroit? Viens, voilà, Umrah, viens. Hein? Etc. C'est ce genre de compagnon-là qu'il faut trouver, et qu'on voulait trouver, il faut, hein, faut pas les lâcher. D'accord? Et c'est vrai que des fois, une relation amicale comme ça, des fois, on se dit des choses, hein, on a le nefs, hein. Quand ton frère il dit taqillah, pourquoi t'as fait ça? Un neuf shaitan il vient, il dit pourquoi il me dit ça, etc. Hein? Et même souvent, des gens ils ont réflexe de quoi? De se distancier, de s'écarter, etc. Alors que toi tu m'as dit que le bien. Mais attention, il y a une manière de le faire aussi. Hein? Je suis d'accord. Hein? Mais la réalité c'est la réalité. Si ton frère il voit en toi en défaut. Et c'est quoi le mot nasiha? Cheikh Rabi, il a dit nasiha. C'est comme, dans la langue arabe, c'est comme quand tu as par exemple un qamis qui est troué et que tu le hein, tu fais quoi? Une retouche. D'accord? On dit nasaha ar-rajulu thawbahu. Quoi ça? Un défaut que tu as corrigé. Nasaha, c'est ça. Tu vois un défaut dans ton frère, tu corriges. Subhanallah, t'as un défaut sur toi. T'aimerais pas que ton frère corrige ce défaut? Mais si, on le dit théoriquement, mais qu'est-ce que ça en est dans la pratique? Ah, c'est difficile à ce moment-là. Par contre, donner nasaha, c'est facile. Et accepter, c'est autre chose. Hein? Et Cheikh Mohamed, l'imam, je me souviens bien, là, dans un dars, parce que les ulama au Yémen, ils se collent sur le hadith, ils étaient les chaînes de transmission. Par cœur. Et il s'est trompé dans un rajout du Sanad. Et c'est un enfant qui l'a corrigé. Elle lui a dit, Akhta al Sheikh wa Asaba Sabi. Devant tout le monde, il a dit, le Sheikh il a tort, hein, lui-même, et hein, le petit il a raison. Le haq, c'est le haq. Regardez le tarbiya de Sheikh Mokbil et des ulama. Regardez qu'est-ce que, hein, à quoi il les a éduqués. Le haq, c'est le haq, mon frère. C'est le haq de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est la parole d'Allah, la parole du messager. Pourquoi tu l'acceptes pas, subhanallah adim? Donc il faut essayer d'accepter le nasiha. Donc ici, par rapport à ce hadith-là, c'est un hadith sublime qui nous montre quelque chose par rapport à la ibada du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il dit, le shirk, c'est une invocation sublime par laquelle Allah protège le musulman des passions et des épreuves et des maux. Vous avez remarqué, elle est très courte. Même en arabe, hein, même quelqu'un qui ne maîtrise pas l'arabe, il peut l'apprendre assez facilement. Et se lever la nuit, la dire. Et que peut-être, ben, en cause de cette dua-là, qu'Allah Azza wa Jalla, il va te, hein, préserver de beaucoup de maux. Surtout dans cette époque dans laquelle on vit, où il y a beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes, beaucoup de, hein, beaucoup de fitanes. Puis l'auteur du poème, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَاتَّبِعِ الْهُدَى ثُمَّ قَالَ النَّظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاتَّبِعِ الْهُدَى et suit la guidance. وَالْهُدَى هُوَ الَّذِي بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَمَا قَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ونقرأ في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح ça c'est quelque chose qu'on disait par rapport à l'application والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم كالمتصوفة والعباد الجهال. Donc Cheikh Fawzan il continue Hafidah en disant, puis l'auteur du poème, car le très haut lui fasse miséricorde, a dit et suis la guidance. Attache-toi, cramponne-toi au câble d'Allah et suis la guidance. Et suis la guidance, qu'est-ce que ça veut dire? La guidance, c'est ce avec quoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, comme Allah le très haut a dit, selon la traduction du sens est. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Surat al-Tawba, verset 33. Et la guidance est la science bénéfique. Et la religion de vérité est l'action vertueuse. Regardez, il a dit quoi? Elle a dit arsala rasulahu bil huda wa alim al haq. C'est quoi le huda? La science bénéfique. Et c'est quoi din al-haq? Al-amal al-salih. L'action vertueuse. Et nous lisons la fin de la Fatiha, c'est dans la traduction du sens est, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Ceux qu'Allah a comblés de faveur, ce sont ceux qui ont regroupé la science bénéfique et l'action vertueuse. Dans le tafsir de Shinqiti rahimahullah dans le tafsir al-Fatiha, il dit que Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a dit c'est qui Alladina an'ama Allah alim dans le verset de Surah Al-Fatiha? Non. Mais il a dit dans un autre verset. Ouais, mais c'est quoi tout le verset? Ma'a alladina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa ash-shuhada wa as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hein? Avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, parmi les qui? Les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. D'accord? Ça c'est une faïda que je vous donne en plus de Mohamed Amin Shinqiti rahimahullah dans Tafsir Adwa al-Bayan. Donc on a dit quoi? Ceux qu'Allah, c'est ceux qui ont comblé, Allah a comblé de faveur, ce sont ceux qui ont regroupé la science bénéfique et l'action vertueuse. Ceux qui ont couru sa colère, le mardoub alayhim, ce sont ceux qui ont pris la science, mais ont délaissé l'action. Et les égarés, ce sont ceux qui ont pris l'action, et ont délaissé la science, comme Soufia et les grands adorateurs ignorants. Ils adorent sans ilm, ils font l'ibada, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Hein? Et Cheikh il dit والهدى والهداية على قسمين. القسم الأول الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق وهذه هداية عامة والله هذا الناس جميعا بمعنى أنه بين لهم الحق ووضحه لهم كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهذه هداية دلالة وإرشاد والقسم الثاني هداية التوفيق للعمل بالحق والتمسك به وهذه هداية خاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان لا ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فلا يملك هداية القلوب إلى الله جل وعلا قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وهداية الدلالة والإرشاد يملكها الرسل والأنبياء وأهل العلم كلهم يدلون على الحق ويبينونه ويبصرون به ولهذا قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وربما يقول قائل لماذا قال الله جل وعلا لنبيه في آية وإنك لا تهدي وقال في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت أليس هذا تعارضا؟ الجواب ليس هذا تعارضا حاشا وكلا بل قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتبين وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تقدر على توفيق الناس وقبولهم الحق فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا تعارض بين الآيتين وإنما تتعارض عند من لا علم عنده أما البصير بالقرآن والبصير بالعلم فلا يتعارض عنده القرآن والسنة فالقرآن لا يتعارض أبدا والسنة لا تتعارض لأنهما تنزيل من حكيم حميد ولكن الشأن في الذي يفهم ويجمع بين الأدلة La guidance et la guidée sont de deux catégories. D'accord ? La première catégorie, c'est la guidance dans le sens d'indication et d'orientation et de mise en évidence de la vérité. Et ceci est une guidée générale. Et Allah a guidé tous les gens dans le sens où il leur a mis en évidence la vérité, il leur a clarifié comme Allah le traduit selon la traduction du sens est. Et quant aux Thamoud, nous les guidâmes. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Regardez le verset comme il est clair. Fahadaynahum. Mais est-ce qu'ils étaient guidés? Dans le sens où ils ont accepté? Non. Donc la guidance, c'est quoi ici? Hein? Voilà, c'est ça. Et quand nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Surat Fussilat, verset 17. Et Cheikh il dit, ceci est donc la guidée d'indication et d'orientation. La deuxième catégorie, c'est la guidance de facilitation. Ce qu'on appelle Tawfiq. Nous on traduit ça par facilitation, mais ce n'est pas un bon mot en vérité. Tawfiq. La guidance de facilitation de mettre la vérité en pratique. C'est qu'Allah te permette, il te donne Tawfiq, yuwaffiquka, il te permet de mettre ça en pratique. Et de s'y attacher. Et ceci est une guidance spécifique qui ne peut être que pour les croyants. Et elle n'est détenue que par Allah, le Très-Haut. Donc ne détient la guidance des cœurs qu'Allah le Très-Haut. Allah dit ce dans la traduction du sens est Tu, Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Surat Al-Qasas, verset 56. Quant à la guidance d'indication et d'orientation, elle est détenue par les messagers, et les prophètes, et les gens de science. Maintenant, question ici. Est-ce que les prophètes, et les messagers, et les ulamas, est-ce qu'ils peuvent faire que le cœur des gens accepte? Non, ça c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous comprenez maintenant bien la différence entre Hidayat Tawfiq, hein? Et donc cette guidance d'orientation, elle est détenue par les messagers et les prophètes et les gens de science. Ils indiquent tous la vérité et la clarifient et ouvrent les yeux des gens par cette vérité. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce dont la traduction du sens est, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Surat Ash-Shura, verset 52. Il se peut que quelqu'un dise... Regardez, hein, c'est peu que quelqu'un dise pourquoi Allah, le Très-Haut, a dit à son prophète dans le verset, dont la traduction du sens est, et en vérité tu guides. D'accord? Et il a dit dans l'autre verset, c'est dans la traduction du sens est, tu, Mohammed, ne guides pas, ne dirige pas celui que tu aimes. N'est-ce pas là une contradiction? Subhanallah. Hein? Est-ce que dans la parole d'Allah il y a une contradiction? Là. La réponse de Charles Fauzan, cela n'est pas une contradiction. Non, et loin de là. Mais de plus, sa parole, dont la traduction du sens est, et en vérité, tu guides vers un chemin droit, c'est-à-dire tu indiques, et tu orientes, et tu clarifies. Et sa parole, dont la traduction du sens est, tu es Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, c'est-à-dire tu n'es pas capable d'accorder le succès aux gens et de leur faire accepter la vérité, car seul Allah le Très-Haut en est capable. Et donc, il n'y a aucune contradiction entre les deux versets, mais la contradiction n'est que pour ceux qui n'ont pas de science. Quant à celui qui est clairvoyant ce qui concerne le Coran, et qui est clairvoyant quant à la science, pour lui le Coran et la Sunna ne se contredisent pas. Et le Cheikh il dit, et le Coran ne se contredit jamais, et la Sunna ne se contredit pas, car ils sont tous d'une révélation émanant d'un sage digne de louange, mais l'affaire est claire pour celui qui comprend et regroupe les preuves. Et une des caractéristiques des gens de la Sunna, c'est qu'ils regroupent les preuves dans un domaine précis. Les gens d'innovation, hein, ils regardent d'une manière comme un borgne, ils prennent un texte et ils laissent l'autre texte. D'accord? Dans tous les chapitres de la religion. Et vous voyez que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, hein, beaucoup de sectes, etc. Ils prennent certains textes et délaissent d'autres. Ils prennent d'autres et délaissent certains textes. Les gens de la Sunna, ils regroupent tous les textes dans un domaine précis. يَجْمَعُونَ بَيْنَ نُصُوصِ الْبَابِ comme les ulama disent. Maintenant on avance dans le poème. On avait dit quoi? Peut-être que certains le connaissent un peu par cœur maintenant. تَمَسَّكْ بِحَبْلِ اللَّهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَى وَلَا تَكُ بِدْعِيًا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ. Maintenant on arrive à quoi? À وَلَا تَكُ بِدْعِيًا. هَذَا نَهْيٌ وَالْبِدْعِي نِسْبَةٌ إِلَى الْبِدْعَى وَنِسْبَةً إِلَى الْبِدْعَى والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله نهانا عن الابتداع في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين فالله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فالدين كامل لا يحتاج إلى أن تضيف إليه أشياء تستحسنها وتقلد فيها غيرك مما ليس عليه دليل من كتاب أو سنة لتتقرب بها إلى الله كالأذكار البدعية والصلوات البدعية وجميع أنواع التقرب إلى الله إذا لم يكن عليه دليل فهو بدعة ولو كانت نية صاحبه حسنة ويريد الأجر ويريد الثواب ولا يريد المخالفة لكن رأى أن هذا فيه خير فاستحسنه وهو في الحقيقة ليس فيه خير لو كان فيه خير لجاء به الكتاب والسنة وما كان ربك نسيا ما فرطنا في الكتاب من شيء فكل الخير وكل هداية في القرآن والسنة فمن جاء بزيادة ليست في الكتاب والسنة فهي بدعة مردودة. Le Cheikh il dit, l'imam Ibn Abi Daoud rahimahullah, mort en quelle année? Hein? T'as vu tes notes vite fait là, vu ton regard il est parti. Hein? N'oublie pas, je suis prof, hein? Non mais allez, t'as le droit, c'est pas un problème, hein? Je taquine. Je me permets de taquiner un peu les frères que je connais un peu parce que hein, je peux me permettre un peu de. D'accord. Donc on a dit quoi? C'est. Tu as raison. C'est 316. Et il est né en. Sans regarder les notes. 230. Non, ça y est. 230. L'imam Ibn Abi Daoud rahimahullah. Et il dit, il ne sent pas quelqu'un qui est sur l'innovation religieuse. Voilà, taqou bid'iyan. Le bid'i, Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est celui qui est sur l'innovation religieuse, c'est-à-dire c'est une affiliation à la bid'a. C'est l'IA, vous avez sunni ou salafi, c'est bid'i. Nisbatan ila al-bid'a. Innovation religieuse. Et la bid'a est ce qui est innové dans la religion parmi les choses qui n'ont aucun fondement, ni dans les livres d'Allah, ni dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a interdit d'innover dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'innover. On nous a mis en garde contre le fait d'innover dans la religion. Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Surat al-Ma'ida verset 3. La religion est donc parfaite. Il n'a pas besoin que tu nous rajoutes des choses que tu juges convenables, que tu approuves, ou au sujet desquelles tu imites aveuglément autrui parmi les choses sur lesquelles il n'y a aucune preuve du Coran ou de la Sunna, afin que tu te rapproches d'Allah au moyen de ces choses. Hein? C'est pour ça que certains imams de la communauté, comme l'imam Malik et d'autres, rahimahumullah, ils ont des paroles fortes sur le fait, le bid'a. Ils disent que celui qui innove dans la religion, c'est comme s'il avait accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi? D'avoir trahi le message. Pourquoi? Parce qu'Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? On vient de le dire. L'imam, hein? Akmalto, lakum dinakum. La religion, elle est parfaite, elle est complète. Et tu vas rajouter. Et comme il avait dit, Cheikh Mohammed Aman, il a dit, qu'est-ce qui accepte le rajout? Et non, c'est ce qui est naqis, c'est ce qui est diminué. Regardez l'application de l'bida. Où tu dis que le prophète ne le savait, il ne l'a pas transmis, regardez quelle accusation déjà. Ou que le prophète ne le savait pas, qui est? C'est qui recevait la révélation? Et toi tu viens et tu te rapproches de quelque chose que, hein? Subhanallah a dit. Vrai danger de la bid'a. La religion elle est parfaite, elle est complète, alhamdoulilah, on n'a pas besoin de rajout, ni de diminution, alhamdoulilah. Cher, il dit comme les invocations innovées. Et les prières innovées. Parce qu'il faut faire attention. J'avais fait la dernière dora que j'ai fait à Tulin, je crois que c'était en mai passé, ici. J'avais parlé un peu de la bid'a un peu en détail, j'avais rapporté 6 points. Vous vous rappelez de ça? 6 points dans lesquels un acte d'adoration il doit être conforme à la sunna. Qui se rappelle? Pour ceux qui étaient là, ou qui les connaît. Cheikh Al-Athaymin l'a rapporté dans l'Arba'in Nawawiyah. Le mu'afaqa fi quoi? Fi zaman. Le temps. Maintenant quelqu'un il dit, moi je vais faire le hajj fi sha'ban. Yuqbal? La yuqbal. El makan. Il dit, moi je vais faire le hajj à Dakar au Sénégal. Hein? Tu vas accepter de, hein? Tu vas accepter qu'il te dise ça? Non. Et quoi encore d'autre? L'adad. Quelqu'un, le Maghreb, il va dire, moi je prie 4 raka'a. Ziyadat khair khair. Il y en a beaucoup qui disent ça. Ziyadat khair khair. Hein? Le rajout de bien, c'est un bien. Là, kif. Ça, c'est un rajout bid'i, ça. C'est une bid'a. Hein? Quoi d'autre? Hein? As-sifa. Naam. C'est ce que tu décris, peut-être la manière ou hein? La description, etc. Quoi d'autre on avait dit? Ah, là, ça commence, il n'y en a plus que deux. Hein? Personne? Ils ne sont pas difficiles à trouver. Non, Ahsan, Zakallahu Khairan, Naam. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait donné comme exemple sur la Timine avait dit par rapport à Dabiha, Nahar. On avait dit, moi je vais faire un coq. Yuqbal. Pourquoi? Parce que les catégories de Dabh, moi je parle de l'Aïd, hein? Hein? L'Adha. Il y a des catégories qui sont connues. C'est quoi les catégories? C'est quoi les catégories, frère? On dit pas que vous savez pas. Hein? Voilà. Et, par exemple, quoi aussi? Hein? Naam. Les chameaux, tu peux? Naam. Il y a des catégories qui sont quoi? Qui ont été légiférées. Maintenant, quelqu'un, il veut faire quelque chose d'autre. Ça va être accepté de lui ou pas? Là. Et c'est quoi le sixième? Travail de lui? Hein? Personne? Vous pouvez le trouver, hein? Ça me permet de boire un peu. On a dit quoi? Makan, Zaman, L'Adad, Sifa, Noa, Ewa. Hein? Tous ces points, tu as raison, hein, les 6 points c'est la conformité en fait. C'est-à-dire que ça doit être conforme sur 6 points là. Mais en fait, c'est plus précis, c'est quoi le 6ème, la 6ème point où ça doit être conforme? C'est ça ma question. Personne? Hein? Non? On va retourner au livre de Cheikh Al-Athaymin, Arba'in Nawawiyah. Dans quel hadith? Le hadith sur Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Soyez curieux, allez voir un peu. Cheikh Al-Athaymin, il a des livres qui sont très importants. Comme le Kitab al-Tawhid, Qul Mufid, très belles explications, parce qu'il détaille. Hein? Tu te rappelles, toi? Tu te rappelles le sixième? Non? Non, mais dans les 6, mais c'est quoi le 6ème? Ce que tu dis, c'est juste, hein? Mais c'est quoi le 6ème? C'est le 6ème qu'on cherche. Hein? Hein? Là? Non. Personne. Ah, d'habitude, on a des cadeaux dans les dorats, là, on aurait pu motiver un peu, hein? On est venu neige fine, on n'a rien. Hein? Allah al-Musta'an. Donc on a dit, et toutes les genres de choses par lesquelles on cherche à se rapprocher d'Allah, s'il n'y a aucune preuve sur l'une de ces choses. C'est alors, et ça c'est par rapport à ce que j'ai dit. Je me rappelais quand la Dawra, quand je suis venu ici, j'ai dit que les ulama ils donnent un conseil après les Dawrat, c'est quoi? De réviser les cours. Encore une fois, on entend des conseils, mais est-ce qu'on les met en pratique ou pas? C'est important. Donc, tu revends encore quelques jours après, et après tu revends encore quoi? Hein? Quelques mois après, etc. Donc, moi j'ai un de mes collègues qui est converti à l'islam. Alhamdulillah, machallah, il a appris l'arabe. Il mémorise le Coran très bien, il mémorise beaucoup de choses, tu vois que je vais parler. Hein? Il mémorise beaucoup de livres par cœur, mashallah, le Mustalah al-Hadith, dans l'Aqida, etc. Il ne se convertit pas, il n'y a pas longtemps. Hein? Etc. Et tous les mois, il a un temps où il revoit tout ce qu'il étudie par cœur. Donc en fait, il revoit, etc. Mais il consacre après par mois, un week-end par exemple, il revoit tous les moutons qu'il connaît par cœur, etc. Hein? Et je vous assure, mashallah, il avance bien, alhamdulillah. Et en plus, ce qu'il a, il essaie de le consolider. Il est parti d'ailleurs avec nous à la Umra quand on est parti chez les Mashiach, etc. Les Mashiach étaient contents de le voir, hein, blond, etc., un grand comme ça, etc. Il leur parle en arabe, etc. Masel le Menhajia, etc., etc. Hein? Donc je fais ça pour vous motiver. Avec une, c'est une question de travail. Il faut être organisé. Le musulman, il est organisé. Dans tout, dans sa dunya, dans son dîn, dans tout, il est organisé. Si t'as pas d'horaire dans ta journée, il y a un problème. C'est vrai ou pas? Si t'as pas un planning dans ta journée, tu te lèves le matin, c'est pas ce que tu vas faire. Mouchkila, ça, oh là là. Tu dis pas, voilà, par exemple, non, je prie ma prière le matin, salat al-fajr, etc. Après, j'ai un temps pour revoir mon, pour mémoriser mon Coran. Après, peut-être, je vais au travail, voilà. Et puis, je reviens à telle heure du travail, hein. Je me douche, etc. Je mange, etc. Je donne un peu de temps à ma famille. Et j'ai mes prières, j'ai mon, hein, j'ai, voilà, ce temps-là pour un dars. Après, il y a un dars à la mosquée, ben, je revois, etc. Ça, oh là là. Un peu de temps libre aussi pour la famille, etc. Et pour les, hein, les amis, etc. Kada, kada. Tu dois être organisé. Surtout, à cette époque-ci, où, quoi, y a pas, on n'a pas beaucoup de baraka dans notre temps, ça, oh là là. Et les choses, le temps passe très très vite. Et les responsabilités et les choses qui nous occupent sont quoi? Nombreuses. Donc tu dois encore être plus organisé. Tu dois être intelligent dans ton organisation aussi. Hmm? Donc, comme les invocations innovées, par exemple, les prières innovées, et toutes les genres de choses par lesquelles on cherche à se rapprocher d'Allah, s'il n'y a aucune preuve sur l'une de ces choses, c'est alors une innovation religieuse. Et c'est même si l'intention de celui qui le fait est bonne. Parce que des gens disent, non, mais ma niya elle est bonne. Non, le frère, il veut bien faire. La niya c'est une chose. Allah, alamu bi niyatihi, de toute façon. Hein? Allah seul connaît, hein, la niya des gens. Mais il y a une deuxième condition qu'on a dit tout à l'heure. فَمَنْ كَانْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عملا صالحا. العمل الصالح الموافقة ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الموافقة دو كونديسيون شرط قبول العبادة. دو كونديسيون داكسبتاسيون لا ادوراسيون سي الإخلاص والمتابعة. سي ان دي كي با لا سي با اكسبتي. سي امبورطون دو كومبروندر سا. اون فوا ان حديث بلو تار جو فو رابورتي اون فايدة بار رابور ا سا ان شاء الله. Donc, même si l'intention de celui qui l'a fait est bonne et qu'il cherche par cela la récompense, il ne cherche pas la transgression, mais il voit un bien en cela et donc le juge convenable, alors qu'en vérité il n'y a aucun bien en cela. S'il y avait un bien en cela, ce serait dans le Coran et la Sunna. Non, mais moi je veux juste le bien. Et quoi, le bien il n'est pas dans le Coran et la Sunna? Hein? Allah dit, dans la traduction du sens est, ton Seigneur n'oublie rien. Surat Maryam verset 64. Et nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Sur l'An'am verset 38. Et tout ce que tu dois savoir dans la religion, c'est dans le Coran et la Sunna, tu ne vas pas rajouter. Donc tout le bien et toute la guidance sont dans le Coran et la Sunna. Et quiconque viendra avec un rajout qui ne se trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna, c'est alors une innovation religieuse. Écoutez le mot. Quoi? Bid'atun, il a dit mardouda. Cheikh Fawzan, d'où il a pris ce mot-là? Dans Hadith. Hadith, il est là, c'est quoi? C'est, قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Et dans notre riwaya, من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Moi je vous rajoute une faïda, l'imam Nawawi rahimahullah, il a dit رد اي غير معتدين به مردود. Pas pris en compte, رد c'est une action qui est رد, elle n'est pas prise en considération et elle est rejetée. C'est quoi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui illustre bien ça? Quiconque met en pratique un acte, écoutez le hadith, les deux versions du hadith, les deux sont dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les deux sont clairs? man amila et man ahdatha. Le premier, c'est quiconque met en pratique un acte qui ne fait pas partie de notre religion, cet acte est rejeté. Rapporté par un musulman d'après Aïcha radiallahu anha. Et l'autre version, c'est quiconque innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce qui est innové est rejeté. Rapporté par le Bukhari et le musulman. Le hadith, il dit, man ahdata, celui qui innove dans notre religion. Quelqu'un va venir et va te dire, moi, j'ai pas innové. C'est pas moi qui ai innové ça. Moi, je la mets en pratique, c'est tout. C'est pas moi le premier qui a innové ça. Qu'est-ce que tu lui dis, l'autre version? Man amila. Celui qui met en pratique. Hein? Il a toute la guidance dans la sunna, alhamdulillah. Et Cheikh, il dit, فلا يجوز الإحداث في الدين أو عمل شيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله هذا بدعة وكل بدعة ضلالة. Hein? Et nous, ce qui est bidah, on dit que c'est bidah. Ce qui est pas bidah, on dit pas que c'est bidah. Il y a des gens qui me disent, ouais, vous, bidah, bidah, bidah, bidah. Non, c'est pas ça. Ce qui est bidah, c'est bidah. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Hein? Il y a des gens qui ont compris. Hein? Ce qui est bidah, c'est bidah. Et ce qui n'est pas bid'a, c'est pas bid'a. Ce qui est sunnah, c'est sunnah. D'accord? Et donc, cher, il dit, ceci est une innovation, il n'est donc pas permis d'innover dans la religion ou de faire un acte. Il a dit, regardez la précision de ma chère. Ou de faire un acte avec lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu et par lequel on cherche à se rapprocher d'Allah. Donc, il est interdit d'innover et de quoi? De mettre en pratique, de faire un acte qui est innové. Ceci est une innovation religieuse, et toute innovation religieuse est un égarement. Et la bid'a dans le sens, d'où vient le mot bid'a en arabe? C'est important de savoir ça, pour comprendre un peu. Hein? Le mot bid'a dans le sens linguistique, c'est ma uhditha fi ma uhditha ala ghayri mithalin sabiq ka'an taqul hada shay badi'a yani jadid wallahu jalla wa ala yaqul badi'u samawat wal ard أي محدثهما على غير مثال سبق ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل يعني معنى أول رسول بل قبل رسل كثيرون فأنا لست بدعا يعني جديدا لم يسبق مثلي في الأمم السابقة فكيف تنكرون علي أني رسول الله وقبل رسل كثيرون. Donc le sens linguistique, d'où vient le mot dans la langue arabe, pas dans la religion, dans la langue arabe. Exactement, le ma'na l'ughawi. Ou bien les ulama disent l'ughatan wa stilahan. Ou fil l'ugha wa fil shara. Ou le ma'na l'ughawi, le ma'na l'istilahi. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans les mots un sens, quoi? Linguistique. Et puis un sens dans le jargon des ulama. Voilà, c'est ça, c'est dans le contexte de la législation d'islam. Et bien dans le sens linguistique, le ma'na l'ughawi, c'est quoi? C'est ce qui a été innové sans pareil précédent. Comme tu dirais, ceci est une chose badi'a. C'est-à-dire quoi? Jadid, nouvelle. Et Allah dit, selon la traduction du sens est, il est le créateur des cieux de la terre. Badi'u samawati wal ard. Surat al-Baqarah, verset 117. C'est-à-dire celui qui les a créés sans pareil précédent. Et Allah dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la traduction du sens est, dit, je ne suis pas innovation par les messagers. Surat al-Ahqaf, verset 9. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier messager. Et de plus, il y a eu de nombreux messagers avant moi, et donc je ne suis pas une innovation. C'est-à-dire, je ne suis pas nouveau. Et ce n'est pas que personne comme moi ne m'a précédé dans les communautés précédentes. Comment vous pouvez donc me reprocher d'être le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'avant moi, il y a eu de nombreux messagers? Quant au sens du mot bid'a, mettons dans quoi? Fi shara. Le sens amma bid'atu fi shara, c'est quoi? فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبدع ليس فيها خير فهي تبعد عن الله وتغضب الله عز وجل أما السنن فإنها خير كلها يرضاها الله يحبها ويثيب عليها كما أن الله تعالى يبغض البدع ويبغض أهلها ويعاقب عليها. دونك شيخ الدين, le sens du mot bid'a dans la charia maintenant, dans la législation, c'est quoi? C'est ce qui a été innové dans la religion maintenant. Salah? L'adhan ou la... Hein? Si vous voulez faire l'adhan, faites l'adhan. Et après l'adhan, il y a combien de temps jusqu'à la salah? directement quand tu le mubasharatan 10 minutes ça. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Je propose qu'on continue jusqu'à la salah. Vous me dites quand j'arrête, inshallah. Dans peut-être 10 minutes, inshallah. Il ne reste plus beaucoup, alhamdoulilah. Donc peut-être après la salah. Comme ça, les gens qui veulent rentrer à la maison, ils peuvent rentrer. Et qu'après la salah, peut-être on finisse le peu qui reste, inshallah. Hein, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas comment la jamaa aller chez vous. Nous, à Birmingham, quand c'est comme ça, on laisse les isha jusqu'au tard. Jusqu'au dernier moment. Comme la sunnah, walakin. C'est votre jamaa. Inshallah. Hein? Il reste pas beaucoup, mais je sais pas combien il reste, donc je préfère pas. Bon, ben, c'est vous qui me dites quand je m'arrête, savez. Je m'arrête, vous n'êtes pas qu'après que c'est moi qui, hein, qui est tardé. Et donc on a dit que le sens de bid'a dans la législation, le shara, c'est quoi? C'est ce qui a été innové dans la religion qui n'en fait pas partie. Et qui n'a aucune preuve ni du livre d'Allah ni de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cher lui, il n'y a aucun bien dans les innovations religieuses. Et elles éloignent d'Allah. Et suscitent la colère d'Allah, le Très-Haut. Quant aux sunnan, les purées de sunna, elles sont toutes un bien. Allah les aime et les agrée et récompense pour elles. Comme Allah déteste les innovations religieuses et déteste ces gens et châtie à cause d'elles. Cher, il dit فلا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات واتباع الناس على ما هم عليه حتى نعرف دليلهم فإن كانوا على حق اتبعناهم قال تعالى واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا الاتباع على الحق أما إذا كانوا على غير حق فإننا لا نتبعهم ولو كانوا من أفضل الناس والنصارى لما أحدثوا الرهبانية التي ما كتبها الله عليهم ضلوا بها وأيضا ما قاموا بها لأنهم عجزوا عن أن يقوموا بها لأنهم الذين حملوا أنفسهم ما لا تطيق والله جل وعلا يقول لا يكلف نفسا إلا وسعها والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فعجزوا عنها وتركوها فما رعوها حق رعايتها وقالوا صلى الله عليه وسلم وقالوا سبحانه وتعالى إلا ابتغاء رضوان الله أي أحدثوها يبتغون بها رضوان الله فهذا دليل على أن العبرة بالدليل لا بالمقاصد والنيات فقط فالحاصل أن البدعة شر وإن زعم أصحابها أنها خير وإن قالوا إن البدعة تنقسم إلى أقسام بدعة حسنة وبدعة سيئة donc cher il dit il n'y a aucun bien dans les il n'y a aucun champ pour les augmentations ni les ajouts ni pour les choses jugées convenables par certains les istihsanat comme on les appelle ni pour le suivi des gens dans ce sur quoi ils sont jusqu'à ce que nous connaissions leurs preuves. Et donc, s'ils sont sur la vérité, nous les suivons. Allah le Très-Haut dit, ce dont la traduction du sens est, « Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Ishaq et Yaqub. » Surat Yusuf, verset 38. « Cela est le suivi sur la vérité. » Tandis que s'ils ne sont pas sur la vérité, alors nous ne les suivons pas, et c'est même s'ils font partie des meilleurs déjà. Et les chrétiens, lorsqu'ils ont innové ce qu'on appelle le monachisme, c'est-à-dire le fait d'être à quoi un moine, hein, la vie de moine, ou l'état de moine, qu'Allah ne leur a pas prescrit, ils se sont égarés par cela. Et aussi, ils ne sont pas acquittés, car ils n'étaient pas capables de s'en acquitter. car ils sont ceux qui ont chargé leurs propres âmes de ce dont ils ne sont pas capables. D'accord ? Donc ils s'interdisent les femmes. Un homme, il n'est pas capable de se passer de femmes. Allah nous a créés comme ça. Hein, ils s'interdisent d'autres choses, etc. que hein, Allah n'aura pas demandé. Et donc ils sont quoi ? Prescrits, ils ont mis une charge qu'ils ne sont pas capables de les supporter. Car ils sont ceux qui ont chargé leurs propres âmes de ce dont ils ne sont pas capables, alors qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et donc ils n'ont pas été capables, ils l'ont délaissé. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, mais ils ne l'observèrent pas. Hein? C'est quoi? Le monachisme. Comme il se devait, surat al-Hadid verset 27. Et sa parole dans la traduction du sens est, ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah. Toujours le même verset de surat al-Hadid. C'est-à-dire qu'ils ont innové en recherchant par cela l'agrément d'Allah. Ceci est donc une preuve que ce qui est pris en considération, c'est la preuve et pas les intentions. Regardez, le verset de surat al-Hadid, comment le shir il a tiré de ce verset, que ce qui est pris en considération, ce n'est pas les intentions, mais c'est la preuve. Ça veut dire, non, mais j'ai voulu le bien en faisant cette bid'a là. En conclusion, l'innovation religieuse est certes un mal, et ce même si ces gens prétendent que c'est un bien. Et c'est même s'ils disent que l'innovation religieuse se divise en plusieurs catégories. Une bonne innovation religieuse et une mauvaise innovation religieuse. Il y a des gens qui disent ça. Ils disent, ahri, c'est une bid'a hasana. Non, il y a des mauvaises bid'a, on ne parle pas de ça. Il y a des bien, il y a des hasana. Hein? Le prophète a dit, kol bid'atin dalala. Toi, tu me dis hasana? Hmm? On va peut-être s'arrêter parce que après, je vous propose une chose. Je ne l'avais pas traduite. Mais c'est peut-être intéressant. L'imam Shatibi, j'avais dit qu'il a fait une réfutation de cette choubha de Bidla Hassana. Hein? Elle est ici, elle est un peu longue. Mais peut-être qu'il la traduirait, que je la mettrais sur l'écrit, Inch'Allah. Hein? Parce qu'elle est vraiment très intéressante. Il explique en fait comment ce taqsim n'est pas correct. Hein? Et c'est vraiment très intéressant. Et même certains, ils disent que quoi? Vous connaissez l'ahkam al-khamsa, ce qu'on appelle l'ahkam al-khamsa, les cinq jugements. C'est quoi? Wajib? Mustahab? Ou bien on dit comment c'est mandoub, hein? Mubah, makruh et haram. L'ahkam al-khamsa, les ulama appellent ça l'ahkam al-khamsa. Ils ont dit le bid'a c'est quoi? Elle suit l'ahkam al-khamsa. Hmm? Il y a des bid'a qui sont quoi? Il y en a qui sont wajib, il y en a qui sont mandoub, mubah, makruh, muharram, etc. Et puis, Cheikh, il réfute cela, le nom Shatibi Rahimallah, il dit, هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي. Cette catégorisation, elle est innovée, il n'y a aucun dalil là-dessus. بل هو في نفسه متدافع. Mais de même, en tant que tel, c'est contradictoire. Regardez les ulama. لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليه دليل شرعي. Parce que la nature de la bid'a, c'est qu'il n'est pas indiqué par une preuve, on est d'accord? Ni des textes de législation, ni des fondements de ces règles. لو كان هناك يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. Car ça veut quelque chose dans la législation qui indique que c'est une obligation ou quelque chose de mustahab, de préférable ou quelque chose de mubah, serait indiqué par quoi? Ça veut dire que c'est indiqué par la législation et donc c'est pas une bidah. D'accord? ولا كان العمل داخلا فهم الاعمال مامور بها او المخير فيها. Et donc cette action entrerait dans la généralité des actions qui sont commandées ou dans lesquelles on a le choix. فالجمع بين ان تلك الاشياء بدع وبين كل الادله تدل على وجوبها او ندبها او اباحتها جمع بين متنافيين. Donc le fait de regrouper entre le fait que ces choses ce sont des innovations et le fait que les preuves indiquent leur caractère obligatoire, autorisé ou préférable, est un regroupement entre deux contraires. أما المكروه منها والمحرم لا يبطلج مكروه ذو محرمنا فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى. إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية. Parce que quelque chose peut être muharram, mais c'est pas quoi? C'est pas une bid'a, c'est quoi? C'est muharram, par exemple, zina, c'est une bid'a? Non, c'est muharram. Maintenant, c'est quelque chose qui est une ma'siya. C'est muharram, mais c'est pas une bid'a. كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها. فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلى الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه. ها؟ Et puis il rapporte encore, etc. On va pas faire trop long, on va prier Inch'Allah et on continue. Après la prière, vous me rappelez que je me suis arrêté à la parole de Cheikh Al-Fawzan par rapport à la bid'a hasana et la bid'a si'a, que d'ailleurs j'ai pas encore traduit en français d'ailleurs, Inch'Allah. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.